Bah ouais mamia, je suis déjà quillé. Ouais, j'suis un Zéweli, j'ai pas wahda, t'es trop maquillé. Ouais, t'as pas l'air nia, ouais, tu veux manier. J'suis dans ton club, j'suis dans ton cœur, tu veux marier. Ouais, mais j'ai le barrio, moi, sans c'est j'le rio. Mets du papier en kilogramme, j'veux qu'il soit violé. Ah ouais, t'es jaloux, hein, embrouille t'es jamais. Là, j'me pars à Salou, ouais, les bzés à pamé, là. Oh, elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans pliage. Moi j'suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. Ouh, la vago est maquillée, j'suis bleu, j'ai failli prendre un grillage. Non c'est pas la même sans prier, toi t'es pas la même sans prier. Les motherfuckers, j'ai eu les flics qui se prennent pour j'sais pas qui. Genre ils me contrôlent, me dit j'sais pas quoi. Me cherche pas la merde, tu vas dormir sur un oeil. Arrête de faire le pilote, tu vas tomber sur un arbre. Dis tous te casse, après derrière ils te cassent. C'est des gosses, ça me les casse. Cassez-vous, je vous dose. Pourquoi tu es jalouse? Ton regard me dit des trucs. Je me fais courser par les fans. Schmitt à la place me dit les trucs. Là on est au check. On voit pas la vie en pink. Tu es dur à trouver. Ton ami veut se déguiser en punk. Oh, elle est pleine de maquillage. C'est pas la même qui est sans pliage. Moi j'suis allé sans prier. J'en ai marre des pillages, ouh, la vago est maquillée. J'suis bleu, j'ai failli prendre un grillage. Non, c'est pas la même sans billet. Toi, t'es pas la même sans pillage. Buena tarde, choqué ce soir, j'vois ta boîte. Et elle s'attarde, son poteau fait le fourré qui la boit. T'es pas la même sans pillave, t'es pas la même sans billet, non. T'es pas la même sale billage. J'ai pris des sommes dans la bigrave, ouais. Resserre la sangria, ramène le cendrier. J'rentre pas, j'suis dans la pillave. J'dormirai sur le palier. Rapta, j'suis partant pour la bagarre ou la partouze. Pars-toi, j'ai pas le temps, j'suis pas là, j'suis partout. J'suis rapta, j'suis partant pour la bagarre ou la partouze. Pars-toi, j'ai pas le temps, j'suis pas là, j'suis partout. Oh, elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans pliage. Moi j'suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. Ouh, la vago est maquillée, j'suis bleu, j'ai failli prendre un grillage. Non, c'est pas la même sans billet, toi t'es pas la même sans pillage. Oh mytho, t'es amoureux de la muche, toi, t'es le pigeon de la chica, doucement despacito. Oh mytho, t'es amoureux de la muche, toi, t'es le pigeon de la chica, doucement despacito. Oh, elle est pleine de maquillage, c'est pas la même qui est sans pliage. Moi j'suis allé sans prier, j'en ai marre des pillages. Ouh, la vago est maquillée, j'suis bleu, j'ai failli prendre un grillage. Non c'est pas la même sans billet, toi t'es pas la même sans pillage. Oh mytho, t'es amoureux de la miche, toi, t'es le pigeon de la chica, doucement despacito.